j'ai jamais ressenti le besoin de jouer les bandits dans les parages. Mes pages noircies le soir sont pour les gars dans une voie de garage. Un barrage face à la connerie, la folie qui nous conduit derrière des barreaux ou vers un taf qu'on n'a pas choisi. On vit loin de l'idéal, loin des rêves que l'on fait la nuit. On voudrait s'évader mais c'est comme si nos pieds étaient pris. On vit dans l'espoir de sortir d'ici un jour. Et je t'assure que personne ne veut rater son tour. Autour de nous des gens nous incitent à ne rien faire. Glorifie le bis, le shit et les packs de pierre fiers. Je veux sortir, partir la tête haute, me rattraper comme je peux car j'ai commis des fautes. Je veux rien de plus qu'un aller simple vers le bonheur. Tracer ma route même si je doute qu'ailleurs ce soit meilleur. Pessimiste à souhait même si une lueur d'espoir existe. Plus rêveur que moi tu meurs et c'est pour ça que je persiste. Loin de l'idéal, loin des rêves que l'on fait la nuit. On voudrait s'évader mais c'est comme si nos pieds étaient pris. On vit dans l'espoir de sortir d'ici un jour. Et je t'assure que personne ne veut rater son tour. Loin de l'idéal, loin des rêves que l'on fait la nuit. On voudrait s'évader mais c'est comme si nos pieds étaient pris. On vit dans l'espoir de sortir d'ici un jour. Et je t'assure que personne ne veut rater son tour. Si je fuis pas, je suis cuit, j'aurais beau crier, rester sur le banc le soir, regarder les étoiles briller. M'arrive de croire qu'il n'y a plus d'espoir, qu'on est tous foutus, qu'on est dans la merde. C'est la connerie humaine qui nous tue. Le rêve fait la grève, achève le peu d'espoir qu'on avait. Si tu savais combien comme moi veulent s'envoler, ne pas rester cloué au sol et ne pas stagner. Les années passées là, c'est trop peu, se sont cassés. Mais c'est pas un choix, gars, c'est le contexte qui veut ça. Y'a pas de mauvais prétexte, y'a juste pas assez de choix, tu vois. On vit loin des rêves que l'on fait la nuit. Mais moi je continue de rêver, car c'est tout ce que j'ai dans la vie. Y'a pas d'erreur, un monde meilleur, c'est pas pour demain. Même si autour de moi, des gens prétendent pouvoir m'en vendre un. Combat perpétuel, de l'amour virtuel. Une notion du bonheur ici faussée par le matériel. Loin de l'idéal, loin des rêves que l'on fait la nuit. On voudrait s'évader mais c'est comme si nos pieds étaient pris. On vit dans l'espoir de sortir d'ici un jour. Et je t'assure que personne ne veut rater son tour. Loin de l'idéal, loin des rêves que l'on fait la nuit. On voudrait s'évader mais c'est comme si nos pieds étaient pris. On vit dans l'espoir de sortir d'ici un jour. Et je t'assure que personne ne veut rater son tour. Je fais mon taf, place mes paragraphes. Attends que ça se décoince, un gars de plus en place qui décoiffe et dont les dents grincent. Ni prince, ni lascar, un arabe en France. Un jeune en transe qui prend conscience des causes et des conséquences. Un gars qui pense, qui réagit face à l'hypocrisie. Les saloperies, les gens qui nous salissent aujourd'hui. Comme hier et comme demain, à côté de là et même très loin. Le scénario est le même et le problème ce n'est pas de nous qu'il vient. Ce quotidien me lasse hélas, les rues sont dégueulasses. Ouais. Et les chaussées pleines de merde de chiens. Je viens d'un endroit où les gens droits se font très rares. Où l'on rit du malheur des autres avant de se voir dans un miroir. Loin de l'idéal, loin des rêves que l'on fait la nuit. On voudrait s'évader mais c'est comme si nos pieds étaient pris. On vit dans l'espoir de sortir d'ici un jour. Et je t'assure que personne ne veut rater son tour. Loin de l'idéal, loin des rêves que l'on fait la nuit. On voudrait s'évader mais c'est comme si nos pieds étaient pris. On vit dans l'espoir de sortir d'ici un jour. Et je t'assure que personne ne veut rater son tour. Loin de l'idéal, loin des rêves que l'on fait la nuit. On voudrait s'évader mais c'est comme si nos pieds étaient pris. On vit dans l'espoir de sortir d'ici un jour. Loin de l'idéal, loin des rêves que l'on fait la nuit. On voudrait s'évader mais c'est comme si nos pieds étaient pris. On vit dans l'espoir de sortir d'ici un jour.